quelques rayons en soleil. Nous sortons de la boîte. Je trébuche et tu tiens ma main contre ton sang. Au milieu des pigeons, voyageurs nous serons. La nuit aux éboires, toi tu donnes le cœur. Tu deviens sur les champs, Élysée de mon âme, à faire chanter Paris, allons marcher un peu. Hôpital en cavale, insectes dans la nuit, viens toucher la lumière, c'est mort mais c'est tant pis. Alice au bout des rêves, qu'en fait suinter l'aiguille. Un tour aux merveilles et Dieu entre tes bras. Assis sur la gouttière, apocalypse enfin. À Montmartre, nos cœurs se sacrent dans tes mains. Abîmée mais tranquille, sur le toit de la ville, à hurler du silence, sûr qu'on n'entend plus rien. La bouche des métros a bouffé notre amour. Rejoignons ceux-là qui ont les yeux éteints.